À louer par Henri Lavedan. C'était en juillet, une de ces fameuses journées tièdes, aromatiques, où l'on savoure, les yeux clos, la reconnaissante joie de vivre. Le caprice de ma flânerie m'avait instinctivement poussé dans un quartier lointain, désert, paisible comme un petit golf. Un de ces quartiers inattendus qui se découvrent dans la surprise d'une promenade, tout à coup, en tournant de rue, qui reposent, rafraîchissent et sont l'étonnement délicieux du rêveur. L'herbe pointe aux fentes des pavés, les tourterelles se rengorgent dans leurs cages d'osier, et le bruit d'une voiture fait ouvrir les fenêtres. Si vite qu'on passe devant les rez-de-chaussée, on a le temps d'apercevoir une vieille dame qui peint sur porcelaine ou un curé qui joue de la flûte. Dans les villas, des pianos fêlés résonnent de gammes chromatiques. J'allais doucement, les mains derrière le dos, songeant à des choses point mouvementées, d'un calme absolu. Le soleil couchant avait mis le feu à l'horizon. Tout était rouge de braise au loin. Mais sur ma tête, dans le ciel clair, opalisé, presque incolore, s'effilochait en spirale avec des reflets mauves, de longs nuages minces, pareils aux fumées des chaumières. Je me sentais compatissant et bon. Je cherchais autour de moi quelqu'un à qui faire l'aumône. Et soudain, à trois pas, j'aperçus un écriteau pendu à une ficelle. Les étés l'avaient rongé, les hivers l'avaient à moitié fendu, mais c'était si merveilleux ce qu'elle promettait, cette planchette de sapin pourri. Joli petit pavillon. Mieux qu'un appartement, un pavillon. Avec jardin et pièces d'eau, des arbres, de l'eau, tout à la fois. À louer de suite. De suite, quelle providence m'avait guidé par la main. Depuis longtemps déjà, je cherchais un coin bien caché, où je pourrais me fixer, transplanter ma vie en bonne terre et la laisser pousser à sa guise tous ses rameaux, jusqu'à l'heure de l'étiolement, du ver dans les racines et de la mort. Vraiment, c'était mon affaire. Jamais je ne dénicherais mieux. Je tirai la sonnette rouillée. Une brave femme en bonnet se présenta, bien avenante, l'air d'une brave créature. « Vous venez pour voir la maison ?»« Oui, pourrait-on la visiter ?»« À l'instant. » « Je vais chercher les clés. » En l'attendant, je jetai les yeux autour de moi. Oh, le ravissant jardin. Pas grand, mais si frais, si cajoleur, avec ses expansives corbeilles de roses, bordées de myosotis chastes comme des regards de vierge à 15 ans, ses touffes de verveine, ses buissons de lilas, serrés, tassés tout le long des murs, son banc de pierre en demi-cercle à l'ombre d'un beau marronnier. Et son étroit ruisseau qui courait, ainsi qu'une tresse de vieil argent dans la peluche émeraude du gazon, où venaient au crépuscule se baigner les chardonnerets laquées, et le merle en domino noir, et cette tonnelle ombragée de chèvrefeuilles que je n'avais pas remarquée, et les mignonnes petites allées de sable fin comme un parc de poupées, et l'herbe, ma foi oui, jusqu'à l'herbe, qui me semblait plus fine, plus verte, plus moelleuse que partout ailleurs. Décidément, c'était là, c'était là. « Quand vous voudrez, monsieur, » me dit la femme qui m'avait rejoint. Je la suivis. Au bout d'une allée, le pavillon se dressa devant moi dans sa coquetterie discrète. Il n'avait qu'un étage et disparaissait entièrement sous de lourdes grappes de glycine. Elle entra, poussa les persiennes, et les derniers rayons de soleil enveloppèrent la maison du haut jusqu'en bas avec la douceur d'un adieu. Les papiers étaient enguirlandés de fleurs, les peintures délicates et gaies, les chambres hospitalières. Je ne sais quelle odeur d'intimité, parfum tendre et subtil, flottait entre les murs. Cette demeure mystérieuse avait aimé. On la devinait forcément vouée au bonheur égoïste à deux, aux éclats de rire sous les branches, aux causeries accoudées sur le balcon, aux lentes promenades nocturnes parmi les fleurs endormies, aux baisers gaspillés, aux longs sommeils anéantis. Après l'ivresse, dans la pénombre des rideaux tirés, on n'avait qu'à s'installer là et qu'à attendre, les bras croisés. Les femmes viendraient toutes seules. Et une fois qu'elles auraient franchi le seuil, elles n'auraient jamais le courage de s'en retourner, jamais. Je demandais. « C'est vous qui êtes la concierge et qui gardez la maison ?»« Oui, monsieur. » « Et qui restait ici en dernier lieu ?»« Un homme jeune, un russe, un peu drôle, avec une dame. » « Ce sont les seuls locataires que j'ai connus. » Ils ont demeuré 6 ans. Le pavillon appartient à un vieux monsieur qui l'habite autrefois et qui vient de mourir en province. Comment s'appelait ce russe? Monsieur Kirchev. Je ne sais pas s'il était marié, ça ne me regardait pas. En tout cas, lui et madame, on peut dire qu'ils s'adoraient. Toute la journée ensemble à s'embrasser. Et polisson. Mère Soyez, que me répétait souvent monsieur, avouez que vous n'avez jamais été si amoureuse que nous dans votre joli printemps. Et dame, il avait raison. Pour parler franc, je ne détestais point ça. Mais de là être possédé, non. Pourquoi ont-ils déménagé? À cause. Ils sont retournés en Russie, rapport à leur fortune. Ah, ce lui a fait un dur chagrin, monsieur, de quitter d'ici, où il avait eu un tel contentement. Enfin, c'est pas tout ça. Louez-vous, avez-vous du goût? Je crois bien que je loue. C'est une affaire entendue. Et tout réglé, le prix débattu, un regard de satisfaction jeté avant de partir au jardin, au ruisseau, à la jolie maisonnette tapissée de glycines, je m'en allais quand la mère Soyez courut après moi un papier à la main. « Tenez, monsieur, c'est une lettre pour vous. » J'éclatai de rire. « Comment une lettre, déjà ?»« Vous n'y êtes point, » reprit-elle. « Écoutez la chose. » Je vous ai dit que mon russe était un peu étrange. Il y a 2 mois, quand il a été pour monter en voiture, au dernier moment, tous les bagages chargés, il m'a serré la main et avec un air grave, « Madame, soyez. » Il ne m'appelait ainsi que dans les grandes circonstances. « Vous êtes honnête ?» J'irai-moi que vous remettrez ceci sans y regarder à la personne, homme ou femme, qui louera le pavillon. J'y tiens beaucoup. Je lui ai juré, j'ai pris la lettre, et la voilà. Elle est à vous. C'est peut-être des recommandations sur l'appartement. Au plaisir. Elle me tendit le papier. Je m'en emparai. Une fois dans la rue, je m'arrêtai fort intrigué. Je retournai cette grande enveloppe carrée qui ne portait pas d'adresse. Et j'avais presque peur de l'ouvrir. L'ayant enfin brusquement décacheté, je lus ce qui suit. « Monsieur ou madame, en ma qualité de slave, je suis très superstitieux. Je crois fermement à une loi surnaturelle soumettant tous les autres à l'influence des lieux qu'ils habitent. Il est tel endroit où fleurit le bonheur en permanence, tel autre où le malheur est éternellement tapis. Cette maison où j'ai vécu plusieurs années dans les larmes, et d'où me chasse aujourd'hui le remords, est maudite. Le drame terrible, atroce, que ces murs pourraient compter, surtout ceux de la chambre du fond, la chambre au papier bleu et rose. Qui que vous soyez, croyez-moi, n'habitez pas ce pavillon, vous réveilleriez, mais je n'en dirai pas davantage. Puisse mon avertissement vous suffire? Depuis, je me creuse le cerveau. Le temps file. Et j'hésite à signer l'acte de location. Qu'a-t-il bien pu se passer dans le joli petit pavillon avec jardin et pièces d'eau? Un crime, sans nul doute, un amant assassiné, ou bien un infanticide, ou bien... Je me perds. Je m'abîme en conjectures. Oh, je voudrais savoir. C'était « À louer » par Henri Lavedan.